tropique. C'était 1967, une émission de Philippe Garbi, réalisation Clotilde Pivin. Bonjour. L'année 1967, on la découvre, 50 ans plus tard, grâce aux archives de France Culture. La famille, celle qui allait, dit-on, sortir un peu cabossée l'année suivante, le théâtre et ses débats à Nancy, en Avignon ou ailleurs, les variétés et le cinéma, la société et le racisme, la Chine et le Vietnam, les hippies, les touristes à Paris, les provinciaux et la province, la lecture. Chaque émission dans son genre, que ses producteurs se soient ou non échappés des studios de l'ORTF, raconte les 12 mois d'une année moins célèbre que celle qui allait lui succéder, mais d'autant plus amusante à décrypter. La lecture. Pour que les Françaises et les Français puissent lire, il faut bien, de même que les étudiants étudient, les enseignants enseignent et les travailleurs travaillent, il faut bien donc que les écrivains écrivent et que les éditeurs éditent. Il faut bien aussi que les gens de théâtre ou que les hommes politiques amoureux du théâtre débattent et débattent encore sur cet art et sur la culture en général. Au programme aujourd'hui, 10 ans de création dans les lettres et les arts, où va la littérature ? Puis, rencontre d'Avignon par Roger Pillaudin. 10 ans de création dans les lettres et les arts, où va la littérature ? Débat animé par Gaëtan Picon. Première diffusion sur France Culture le 29 janvier 1967. France Culture. 10 ans de création dans les lettres et les arts. Bilan et perspective. Mesdames, Messieurs, dans le cadre des manifestations organisées sur le thème 10 ans de création dans les lettres et les arts, voici devant cette table des représentants, des témoins de la littérature actuelle dans ses expressions diverses, romanesques, poétiques, théâtrales et même critiques. Et voici également des témoins dans chacune de ces expressions des tendances les plus divergentes, puisque, pour ne parler que du plan romanesque, nous trouvons à la fois les tenants du roman totalitaire et les tenants du roman total, pour reprendre une distinction faite par Romain Gary. Mais je donne tout de suite la parole au premier de ces témoins qui va vous faire une communication intitulée « Qu'est-ce que la littérature ?» Yves Berger. La littérature, c'est d'abord le produit de quelqu'un qui se sent mal à l'aise dans le monde. En fait, s'il écrit, c'est qu'il n'a pas là, dans le monde, dans la vie, ses aises. Que l'on songe ici à l'isolement, à la retraite que suppose l'entreprise d'écrire. La littérature est donc d'abord que l'on écrive des livres gais, que l'on écrive des livres tristes, ou que l'on écrive des livres qui ne sont ni gais ni tristes. La littérature est d'abord l'aveu d'un malaise, d'un mal de vivre, d'un mal vivre, l'aveu d'un refus du monde. C'est pour moi un premier point capital. C'est par conséquent la tentative de créer un autre monde, où l'on se sent mieux, où l'on éprouve que la vie est meilleure, plus accordée à soi. Second point, selon moi, incontestable, car enfin on admettra facilement que les livres ne se font jamais dans la facilité. Pour qu'un écrivain s'astreigne à lutter chaque jour pendant des heures, et jour après jour pendant des mois, des années, il faut bien admettre qu'il trouve là, dans les mots, les phrases, la littérature, quelque chose qui ressemble au bonheur, et qui n'est pas en tout cas ni le drame, ni la tragédie, qui n'est peut-être que l'absence de ce drame, de cette tragédie, ici, comment savoir. Mais quel monde ? Eh bien, c'est le monde des mots, et plus précisément des images, des visions qui viennent, qui montent des mots, sitôt qu'on les dispose les uns à côté des autres, en voisins dont la longue théorie, comme on dit, ou la courte théorie constitue la phrase. Donc des mots, des images, c'est-à-dire le contraire des choses et des objets, le contraire du réel. Un espèce d'univers en l'air et à distance, sans plus de pesanteur, sans plus rien de commun avec le monde à vivre. Il s'ensuit pour moi que toutes les définitions que l'on a données de la littérature depuis sa préhistoire, si je puis dire, jusqu'à la littérature aujourd'hui, sont des définitions vaines, totalement vaines. La littérature, je l'ai dit de façon implicite, sans prononcer l'expression, la littérature est un acte individuel de sauvetage. On n'écrit jamais pour les autres, on écrit toujours pour soi, tant mieux si l'on est reconnu, et là il faut bien admettre qu'on est toujours reconnu par le biais de méprise, et que l'écrivain le plus célèbre est toujours celui qui s'éprouve comme étant le moins compris, le plus seul, justement. C'est, je crois, à Gide qu'il faut revenir, ici, à Gide qui disait Modeste en 1908 dans la préface à l'Immoraliste, « En art, il n'est point de problème dont l'œuvre d'art ne soit la suffisante solution. » Je voudrais ici passer encore quelques secondes en compagnie d'un mot qui me semble admirable et qui précisément dessine cette voie. C'est le mot « mouvance ». C'est un mot que j'ai découvert il y a quelque temps. C'est un mot qu'on a tous l'impression de connaître, mais il n'est pas très sûr qu'on en connaisse bien le sens. C'est un substantif, bien sûr, qui désigne ce qui se meut, ce qui bouge, ce qui remue, mais c'est également un mot qui, au Moyen-Âge, désignait l'appartenance, par exemple, d'un village à une ville plus grande. Un mot comme ça, je crois, a le mérite de nous montrer qu'il existe, que le langage est fait de quantité de mots qui dorment, n'est-ce pas ? Qui existent par milliers en train de dormir. Et peut-être la tâche des littérateurs, c'est de les réveiller pour vivre en eux le temps de la composition d'un livre, pour vivre en eux le temps de la lecture d'un livre. Et je crois que la littérature n'est pas autre chose que cette activité modeste, désolée et magnifique. Il va sans dire que le public est invité à poser des questions, peu de questions, je dois l'ajouter, car nous sommes dans les limites du temps radiophonique et peut-être qu'après avoir entendu les trois exposés groupés sur le roman, un plus large débat pourra s'instituer. Je donne tout de suite la parole à Romain Gary, dont la communication sera la première des trois communications sur le roman. Le titre est « Expérience humaine et création romanesque ». Je veux d'abord dire que je partirai entièrement de la définition que vient de donner Yves Berger de la littérature en en faisant essentiellement une donnée de souffrance, de lutte, d'autodéfense de l'organisme psychique et presque physique de l'écrivain contre un monde abominable. Je dois dire, pour commencer, que de toute façon, je ne crois pas à la liberté de l'écrivain. Je ne crois pas que l'écrivain se choisit, qu'il est ceci, qu'il est cela, qu'il peut surmonter sa donnée première, et je crois profondément qu'on écrit ce qu'on est. C'est-à-dire, même lorsqu'on essaie d'échapper à ce que l'on est, on se soumet malgré tout et profondément à sa substance profonde, même par réaction. Dans le cadre de ce que vient de dire Yves Berger, je dois traiter devant vous le problème, en somme, de la littérature dans le roman. J'ai une petite réserve, un petit doute, une certaine absence de certitude, car je ne suis pas entièrement convaincu que le roman soit un genre littéraire. Je ne suis pas sûr qu'il ne faille pas faire une distinction entre roman et littérature. Mais je crois que la réalité est une chose dont on ne s'évade pas. Je cherche, et je ne peux m'empêcher, comme romancier, de parler d'autre chose que de moi, parce que si je ne parlais pas de moi, je mentirais. On ne donne pas une définition abstraite, théorique, du roman en dehors de soi-même. En donnant une définition du roman, on donne toujours sa propre définition, même si cette définition apparemment ne vous ressemble pas, car en réalité, on donne alors une définition du moi qui se cherche et qui se rêve. J'envisage donc, moi, un roman picaresque, au sens le plus large du mot, parce que je vois l'humanité elle-même comme un personnage sur le chemin infini de l'évolution, où l'histoire et les étapes historiques jouent un rôle d'étape, et l'humanité, cet éternel picaro, s'arrête en allant d'auberge philosophique et politique et idéologique à l'autre auberge et continue ainsi un périple, une aventure picaresque dans laquelle, je l'espère, le mot « fin » ne figurera jamais, à moins que la bombe hydrogène ne nous y aide. Pour moi, la réalité est toute puissante en ce qui donc, je dis bien « je », le royaume du « je » est celui auquel appartient tout romancier, la réalité est toute puissante, on ne peut pas s'en évader. Je ne dis cependant nullement que le romancier s'inspire de cette réalité. Il s'y soumet consciemment ou inconsciemment. Je vous lâche le mot « Freud » parce que, à mon avis, on ne peut pas ne pas se soumettre étant donné que l'on a un inconscient. Dans la mesure où on a un inconscient qui agit sur vous, on est déjà un homme soumis à des réalités extérieures et psychologiques lesquelles ont formé cet inconscient. La réalité, cependant, pour moi, est avant tout un moyen de faire passer ma contrebande. Intervient ici la notion de réalisme. À quoi me sert cette réalité? Elle me sert à créer auprès du lecteur, dans l'esprit du lecteur, une impression profonde de réalité, de réalisme. Ainsi, mon mensonge et ma fiction, à laquelle, grâce à ma connaissance de la réalité extérieure et du monde, je donne une apparence de vraisemblance aussi aiguë que possible, passera la frontière qui me sépare de mon lecteur et sera passée, donc, passera en tant que réalité. Je dirais d'abord, pour commencer, bien que cela puisse paraître un paradoxe, je considère qu'il n'est pas de roman non réaliste, pour une excellente raison que tout roman est un aveu. Ceci dit, je rejette, je vomis, je dirais même, les romans d'inspiration dite réaliste qui sont en réalité des reportages et qui sont les plus abominables façons de ne pas communiquer cette réalité. Pour moi, la réalité qui m'entoure, celle de ma vie, celle de ma connaissance des choses et des êtres, la lecture et tout le reste, est une façon de me documenter sur une façon que, je le dis courageusement, de tricher dans la mesure où tout artiste est un charlatan puisqu'il invente, affabule et mythomanise, d'entourer mon mensonge d'un tel semblant de vérité qu'il arrive, si l'auteur a du talent, s'il a quelque chose à dire, qu'il arrive sur le lecteur avec une puissance de conviction très forte qui crée la communication et la durée de l'œuvre littéraire. Vive donc la réalité pour qu'on puisse affabuler et inventer et faire donner ce qu'on a dans son imagination pour se protéger le mieux possible et protéger le lecteur contre l'impact de cette réalité. François Nourricier parle tout de suite du romancier inventeur de sa biographie. Ce que j'ai à dire, contrairement à certains points de vue qui peuvent être exposés ici, n'a pas du tout de prétention universelle et n'a pas à s'ériger en système. Le renouveau et le développement de cette tentation autobiographique sont, je crois, des faits que l'on peut constater, que l'on peut essayer d'expliquer sans avoir pour cela à glisser à la tentation de les proposer en recettes plus ou moins miraculeuses. D'abord le constat. Nous passons vite, il a toujours existé dans nos lettres une tradition de laisser sur soi, de l'aveu sur soi ou de l'aveu à propos de soi. Cela va de Montaigne à Gide, en passant par Rousseau. C'est une tradition qui donnait de temps en temps, rarement, de beaux gros fruits superbes, eux aussi assez inquiétants. Mais il convient de bien distinguer cette tradition-là de celle des mémorialistes ou de celle des auteurs de journaux intimes. Il s'agit donc moins de livres qui racontent une vie, qui rendent compte d'une vie, qui la justifie, que de textes modestes, dont la principale qualité me paraît être, devrait être l'acharnement, qui essaie d'approfondir jusqu'au malaise de l'écrivain et du lecteur la réflexion sur soi, avant d'en tirer plutôt que d'en tirer ou une morale ou un exemple. Il s'agit simplement, et simplement est un mot choisi à dessein parce que c'est une ambition considérable, de piéger le monde, dont peut-être en tant que romancier on a été impuissant à rendre compte de façon satisfaisante, de le piéger au seul miroir dont on soit sûr, que l'on soit sûr de connaître, jusque et y compris ses faux reflets et ses erreurs et ses interprétations. Il s'agit de saisir le mouvement des choses, des jours, de l'histoire, des psychologies, à propos de soi, par rapport à soi, rigoureusement, si possible, à mi-chemin de l'orgueil et de la mauvaise foi. C'est une littérature du rouge au front. C'est une littérature de ce qui gêne, faite pour gêner. Le danger de la littérature autobiographique, c'est toujours le rase-motte, et c'est le ressassement en rase-motte. Mais en revanche, sa victoire, c'est chaque conquête conjuguée de la forme, du style et de la liberté. Liberté vis-à-vis de soi, liberté vis-à-vis du lecteur à qui l'on impose cette pierre ponce. En effet, à ce niveau-là, il ne s'agit pas de raconter sa vie, d'écrire sa vie, ni de la vivre dans le tâtonnement, mais presque dans le même mouvement, et c'est le même mouvement qui est important, dans le même acharnement à comprendre et à exprimer, il s'agit de mener parallèlement plusieurs entreprises. On pourrait dire la biologique, purement et simplement, la psychologique et la graphique, afin de réaliser une œuvre vraiment vécue et écrite du même mouvement qui mérite en somme étymologiquement et viscéralement le nom d'autobiographie. Voici maintenant Alain Rome-Grillet pour un nouveau roman. Je n'ai pas préparé d'exposé pour vous expliquer en quelques minutes ce que c'est que le nouveau roman. De toute façon, comme c'est un mythe, ça n'a pas une grande importance. Mais je voudrais essayer, par rapport à ce qui a été dit jusqu'à présent, de définir ce qui est la position de quelques écrivains qu'on a groupés en général sous ce vocable, ou d'autres qu'on a oubliés et qui pourtant y figureraient à juste titre. Yves Berger a dit tout à l'heure que l'écrivain refusait le monde, qu'il créait un monde meilleur parce qu'il n'était pas content du vrai. Je ne crois pas du tout que ce soit comme ça que ça se passe, en tout cas pour nous, et j'oserais même dire pour personne. Le monde que crée l'écrivain n'est pas un refuge. La tentation d'écrire, l'acte créateur, voilà comment je le ressens. Le monde extérieur dans lequel je vis excite ma sensibilité, et si je suis un artiste, c'est dans la mesure où cette sensibilité se transforme en moi en le besoin de forme. Si vous voulez, un peintre, c'est quelqu'un qui reçoit du monde extérieur des formes picturales, des couleurs ou des lignes. Un romancier, c'est quelqu'un qui reçoit du monde extérieur des incitations à créer des formes romanesques, des formes qu'il ne connaît pas encore, mais qui sont en lui et qui ont besoin de voir le jour. Si bien que ses relations avec le monde extérieur, ne sont pas tellement non plus pour nous ce que Romain Gary a tenté de définir, d'une façon d'ailleurs que je n'ai pas comprise très clairement. Mais je crois que entre le monde et moi, les relations sont en tout cas très différentes de celles qu'elles pouvaient être au XIXe siècle, et qu'elles sont encore, il faut dire, chez beaucoup d'écrivains contemporains. Un écrivain du XIXe siècle, en tout cas de la première partie du XIXe siècle, c'est un écrivain qui avait choisi justement ce monde extérieur comme garant du réalisme. Eh bien, je crois que l'écrivain moderne, et en particulier ce qu'on a appelé le nouveau romancier, c'est quelqu'un qui, au contraire, a choisi sa propre parole comme seul garant de son réalisme. Autrement dit, qui, presque à la limite, aurait choisi sa propre parole contre l'histoire, contre le monde, etc. Ce qui ne veut pas du tout dire que c'est un un refuge, mais qu'au contraire, il s'agit pour lui de créer le monde. Choisir sa propre parole, à quoi est-ce que ça le mène dans le domaine de l'écriture? Je crois qu'on pourrait le définir avec l'emploi transitif ou intransitif du verbe « parler ». Un écrivain comme Balzac parle du monde, ou du moins il croit qu'il parle du monde. En réalité, comme il est un grand écrivain encore lisible aujourd'hui, il fait tout autre chose. Mais si on lui demande ce qu'il fait, il répond « je parle du monde ». Et j'en parle avec le plus d'honnêteté possible, le plus de réalisme possible. Tandis qu'au contraire, j'ai l'impression que l'écrivain moderne, c'est quelqu'un qui parle le monde. Autrement dit, dans la formule « je parle le monde », il y a justement ma relation au monde que je tente ici de définir. Je suis le sujet, le monde et l'objet, je parle le monde. Et en le parlant, je le fais. Autrement dit, je suppose, je suis amené à supposer, au moment de l'acte créateur, que le monde n'existe pas encore. Il existe pourtant, puisque c'est de lui que l'incitation créatrice vient. Et pourtant, tout se passe pour le créateur, pour le peintre moderne, comme pour le romancier, comme pour le cinéaste. Tout se passe comme si ce monde n'existait pas encore, comme s'il avait besoin de ma parole pour être. Cette création perpétuelle, cette création instantanée, étant, il faut bien le dire, à tout moment aussi une destruction. Est-ce que ça veut dire que ce sujet qui parle suppose qu'il n'existe pas d'autre homme que lui ? Je dirais bien au contraire, et je protesterai là encore contre ce que Berger a dit quand il prétendait qu'on n'écrivait jamais que pour soi. Je crois que c'est tout le contraire. Je parle le monde, mais je parle le monde pour vous. Il est évident que ma création du monde n'a d'intérêt pour moi qu'au moment où je la fais. Et pour que cette création ait un sens, pour qu'elle ait en somme une vie, il faut que quelqu'un d'autre, après moi, reprenne le livre, ou le film, ou le tableau, et de nouveau le recrée. Cette relation entre le lecteur et l'auteur est une relation de générosité, contrairement à ce qu'on a pu dire du mépris que censément nous aurions, nouveaux romanciers, pour le public. Il me semble qu'il y a au contraire, à chaque instant, un appel au public pour que lui-même se mette à notre place et de nouveau invente le monde, invente la vie et s'invente lui-même. Alors la parole est au public. On ne peut plus mettre des mémorialistes d'aujourd'hui qui n'apportent rien dans la psychologie, où il y a des ouvrages de Freud, de Pavlov et d'autres. Et on ne peut plus mettre des mémorialistes d'aujourd'hui qui sont simplement des petits romanciers qui n'apportent rien au style, à côté des auteurs qui ont apporté quelque chose dans tous les domaines parce qu'à ce moment-là, c'était possible, ce qui n'est plus possible aujourd'hui. Deuxième chose, c'est à propos de Robe Grillet. Je suis d'accord qu'il y a une évolution formelle. Romain Gary ne voit pas le problème de style. Il ne voit que le problème de la réalité. Je vous en prie, je vous en prie. L'orateur a terminé dans un instant. Non, attendez. Tandis que Robe Grillet voit le problème du style, l'unique faute qu'il fait, c'est que ce style, il le divise en deux. L'ancien roman et le roman présent. Mais le style évolue depuis Chateaubriand qui a la grande phrase, depuis Stendhal qui a une phrase très brève et brillante, depuis, je ne veux pas vous faire l'historique du roman, depuis Flaubert, depuis Proust, depuis James Joyce. L'unique accusation que nous portons contre Robe Grillet, c'est qu'il n'apporte pas un style nouveau. Et que justement, dans ce débat sur le roman, on n'a pas parlé de ceux qui ont apporté un style nouveau, qui sont très méprisés par les académiciens qui se trouvent à table, comme les surréalistes étaient très méprisés par les Camille Maucler de l'époque. Vous comprenez les autres critiques qui ne les citaient même pas, et qui sont justement ce qu'on appelle les hypergraphes. Je m'excuse, Romain Gary a dit les lettristes. Eh bien, les hypergraphes ont apporté un nouveau style. Et si nous protestons aujourd'hui... En contraire, vous faisiez la même chose au spectacle de Johnny Hallyday. Oui, nous continuons. Mais écoutez, si vous êtes Johnny Hallyday, je m'excuse, vraiment, il n'y a pas grande différence. Je suis navré de devoir vous couper la parole. Pour conclure... Oui, nous ne sommes pas stupides, nous avons très bien compris ce que vous dites. Et vous ajoutez quelques formules brillantes, quelquefois, mais nous en avons eu la primeur déjà. Je vous en prie, je crois qu'il y a parmi le public donc, des personnes... Donc, nous considérons que votre débat est arriéré et réactionnaire. Bien. Nous l'avions su. Alors. Est-ce que je peux parler? Mais oui, non. Mais oui. Il est dommage que M. Berger ait cru reculer devant le dialogue avec Isidore Isou. Je m'appelle Maurice Lemaitre, je suis aussi un membre du mouvement lettriste. Je trouve dommage que M. Berger ait reculé devant le dialogue avec Isidore Isou sur le fond, c'est-à-dire sur le problème de la création. Parce que s'il avait engagé le dialogue sur le problème de la création, nous aurions su exactement quelles étaient les valeurs à respecter et les valeurs à mépriser. Il n'y a pas derrière ces micros aucun romancier, à notre avis, avec un prénom comme Romain, ou avec un prénom comme Robert, ou avec un prénom comme François. Pour nous, ça n'existe pas, de la même manière que les pompiers Carolus Durand, Bonnat et d'autres pompiers ont complètement disparu de l'histoire de la peinture, pour être remplacés par Cézanne, par Manet, par Van Gogh, par Picasso. Donc, on peut dire que dans le roman, à part Rob Grillet qui s'inquiète un tout petit peu, et il s'inquiète très peu si l'on pense que devant lui, il y a déjà Joyce, première génération, Virginia Woolf, deuxième génération, Valérie Larbaud, troisième génération, le Hussard Bleu d'Roger Ligné, quatrième génération, et enfin Monsieur Rob Grillet qui vient après en arrière-garde, n'est-ce pas, pour inventer son petit zizi que l'on trouve dans cinq lignes de Joyce, on les trouve étalées dans 200 pages de Monsieur Rob Grillet, ce qui prouve très bien qu'il ne connaît pas du tout la création. Et c'est le plus génial, entre guillemets, de tous ceux qui sont derrière ces tables, parce que si l'on prend Monsieur de Bois d'Effre, par exemple... Non, je regrette. Maintenant, tout est dit... Puisque les tracts viennent de pleuvoir, il nous suffira de les lire. Et en regrettant beaucoup qu'il n'ait pas pu y avoir un débat d'un autre genre, nous reprenons l'audition des communications. Extrait de 10 ans de création dans les lettres et les arts, où va la littérature? Débat animé par Gaëtan Picon avec Yves Berger, Romain Gary, François Nourricier, Alain Robgrillet et les lettristes Isidore Isou et Maurice Lemaitre. Première diffusion sur France Culture le 29 janvier 1967. Laissez parler les petits papiers, à l'occasion papier chiffon. Puisse-t-il un soir, papier buvard, vous consoler? Laissez brûler les petits papiers, papier de riz ou d'Arménie, qu'un soir il puisse, papier maïs, vous réchauffer. Un peu d'amour, papier velours, et d'esthétique, papier musique, c'est du chagrin, papier dessin. Avant longtemps, laissez glisser papier glacé, les sentiments papier collant, ça impressionne papier carbone, mais c'est du vent. Machin, machine, papier machine, faut pas se leurrer, papier doré, celui qui touche papier tu mouches, et moitié fou, c'est pas brillant papier d'argent, c'est pas donné papier monnaie, où l'on en meurt papier à fleurs, où l'on s'en fout. Laissez parler les petits papiers, à l'occasion papier chiffon, puisse-t-il un soir papier buvard vous consoler. Laissez papier maïs, vous réchauffez. Et le théâtre, et les élus dans les villes, et la radio, et les transistors, et la télévision, qu'il faut savoir contester. Résoudra-t-on un jour Le problème de la démocratisation des masses médias demeurera, de toute manière, le problème de la culture. Culture, marchandise, débattons. Rencontre d'Avignon, 1967, par Roger Piaudin, avec Michel de Beauvais et Jack Ralit. Rencontre d'Avignon 1967, une suite d'émissions composée par Roger Pilaudin avec la collaboration de Jean Couturier. Diffusion culturelle, diffusion commerciale, moyens de communication de masse, information culturelle. Nous avons deux raisons qui nous ont fait inscrire ce thème à l'ordre du jour. D'abord, au cours de nos trois rencontres précédentes, à la fin de chaque rencontre, les participants ont souligné le fait qu'on avait traité les aspects traditionnels de la culture et qu'on avait laissé de côté des secteurs extrêmement importants. Tout ce qui passe par la diffusion commerciale et également tous les moyens de communication de masse qui ne dépendent pas de la ville. Et par conséquent, cette année, nous avons pensé qu'il était utile de le faire. D'autant plus qu'à propos des villes, on peut estimer à première vue que l'immense majorité des biens et des services culturels qui se distribuent dans une ville échappent à l'action directe de la municipalité. Et le problème est de savoir comment les municipalités peuvent-elles connaître ce phénomène et comment peuvent-elles également en tenir compte dans l'élaboration de leur politique culturelle. Et alors, comme Jacques Ralit avait été un de ceux qui nous ont le plus reproché les dernières années de ne pas avoir abordé ces sujets, nous lui avons demandé cette année d'introduire le débat. Les masses médias, c'est d'abord la culture comme industrie. On peut citer le cinéma, la radio, la télévision, la presse, les reproductions graphiques, le micro-sillon, le livre de poche. Il y a actuellement, et c'est heureux comme ça, une réponse technique à un besoin profond, le besoin de culture, même s'il n'est pas toujours exprimé. Alors cet aspect industriel, c'est un aspect d'abord quantitatif. Et quantitativement, c'est incontestable qu'il y a un progrès. Est-ce que cette quantité correspond à une qualité de la même grandeur? Alors tout de suite, je pense que les proportions ne sont pas respectées. Et les proportions ne sont pas respectées parce que cette culture-industrie, elle rencontre le même public que celui dont on parle depuis plusieurs jours. Et il n'y a pas de raison que ce public, si son existence sociale, si son existence scolaire fait qu'il a quelques difficultés avec le théâtre, disons professionnel, ou avec la lecture d'une bibliothèque traditionnelle, il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas aussi des difficultés dans ses rapports avec cette culture-industrie. Ça, c'est l'ampleur du phénomène et ses limites. Je crois que la conclusion dans ce domaine, c'est de dire que la culture-industrie, ça ne signifie pas automatiquement la démocratisation de la culture. Deuxième aspect, l'impact du phénomène. Il existe actuellement une école de recherche sur les masses médias. N'étant point chercheur, je ne me hasarderai de porter des jugements définitifs, mais je crois quand même que cette école donne aux masses médias un peu un privilège exorbitant, celui de tromper immanquablement les défenses de la personnalité qu'elles assaillent. Il y a actuellement une espèce de vue apocalyptique des masses médias. Alors, et on le verra tout à l'heure, que ça n'est pas si simple. On se pose trop souvent la question que font les masses médias aux gens et pas que font les gens aux masses médias. On a quand même dépassé la réaction du métier de jacquard. Beaucoup de gens se sont aperçus que la machine en elle-même n'était pas l'apocalypse, quoi. Maintenant, la culture comme marchandise. Faut dire les choses très franchement. Une industrie, ça n'existe pas en soi. Ça a un propriétaire. Et ça fonctionne avec certains moteurs, n'est-ce pas? Alors, il faut voir qu'actuellement, eh bien, malheureusement, cette industrie, eh bien, donne une culture marchandise. Alors, je n'insisterai pas longuement, on a eu l'occasion d'en parler, mais la notion de rentabilité au sens profit du terme interfère et finalement court-circuite la notion de responsabilité civique. On essaie de fabriquer un sujet pour absorber un objet qui rapporte plutôt que des objets conformes à des sujets qu'on souhaiterait. Ça se traduit dans les faits suivants, c'est que cette culture marchandise est maintenant entre les mains de plus en plus d'un petit nombre d'hommes. C'est-à-dire que le pouvoir de décision se rétrécit. Si on prend le livre, il y a en France maintenant trois grands groupes de l'édition. Même si les éditeurs sont restés avec leurs petits panneaux à la porte, il y a trois grands groupes de l'édition, La Cité, Hachette et Gallimard. Puis cette culture marchandise, elle dépasse même la notion de nation. Il y a une interaction internationale qui de plus en plus existe, ce qui fait qu'elle ne vise pas tellement le goût moyen national, mais même une sorte de goût moyen international. Et si l'on pouvait regarder, on n'en a pas le temps, les structures des grandes maisons commerciales de distribution de culture, marchandises, on verrait comment il y a des capitaux énormes de l'étranger qui interviennent, ce qui fait qu'on a une espèce de marché international. Mais les gens ne s'abandonnent pas comme ça. Il y a une sorte de résistance spontanée au déferlement de la déqualification. Et surtout dans un pays comme la France, aux riches traditions démocratiques. Je me suis amusé un peu à regarder les titres, par exemple, du livre de poche aux États-Unis, du livre de poche en France. Eh bien, les livres qui dérangent, au sens, absolu du terme, eh bien, on en trouve plus dans le livre de poche français que dans le livre de poche américain. Et à mon avis, ça tient au fait que ce livre-là, il a son soutien social dans la société. Maintenant, les mass-médias comme moyen d'État. Alors, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Eh bien, c'est que l'actuel État, au sens collectif du terme, encourage politiquement l'orientation économique que je viens de dire. Il suffit de regarder l'ORTF, comment elle est maniée et comment elle se comporte. Il y a un peu, par l'intermédiaire de cette ORTF, une tendance à l'utiliser avec l'objectif suivant, le maintien du statu quo. Deuxièmement, cet État sépare très nettement les affaires culturelles des mass-médias. Ça permet de parler avec un relatif détachement des arts d'assouvissement et de leurs conséquences graves possibles dès l'instant qu'on a fait une compartimentation. Il y a dans la structure même des ministères actuels le coin, pas seulement au sens figuré, au sens propre de la culture, et puis tout le reste. Et le ministère de la Culture n'a rien à voir à l'extérieur. Or, deux chiffres. En 1966, rien que sur le plan des interprètes occasionnels, des auteurs et des compositeurs, l'ORTF a distribué 13 milliards d'anciens francs. Et la même année 66, le ministère des Affaires culturelles, pour deux branches, l'action culturelle et les subventions aux arts, lettres et cinéma, n'a atteint que 9 milliards. C'est dire que de parler de ce seul secteur, c'est parler d'un petit aspect, même s'il est important. Je crois que c'est une notion qu'il faut mettre vraiment en avant. Il y a une coupure, et on revient à la culture marchandise, vous savez, celle qui s'adresse au plus grand nombre et qui ferait une sous-culture, et puis celle qui s'adresse à l'élite, et puis elle qui ferait une culture authentique, une culture riche. Troisièmement, le ministère actuel, dans son sens global, mène une politique dans ce domaine telle et dans des conditions telles que, par exemple, les mass-médias se trouvent coupés de leur auditoire et cette ORTF est ignorante ou ignorée des grandes forces créatrices les plus valables. Mais après avoir insisté sur cet aspect négatif, j'amènerai quand même un correctif. Pourquoi? Eh bien, toujours pour ces mêmes raisons qui tiennent à l'histoire de France. Eh bien, il est né une conception du monopole du service public des mass médias. Et ce monopole fait qu'a prévalu et a donc été mis à jour à un moment donné, et que personne ne peut le remettre en cause complètement, même s'il y a des intentions, une responsabilité publique dans l'expression et la diffusion d'œuvres artistiques. Voyez-vous, j'essaie d'être le plus objectif possible. Il me semble que c'est la meilleure et la pire des choses. Mais dans un pays comme la France, même ceux qui voudraient l'utiliser comme pire sont conduits à s'en servir d'une certaine manière comme meilleur. Et quant à ceux qui la reçoivent, ils ont des possibilités de bénéficier du meilleur et de savoir critiquer le pire. Alors, ça n'est pas du tout une attitude béate ou une attitude qui dirait « bon, ben, il n'y a pas de drame ». Si, il y a un drame très profond. Ce qu'il faudrait, c'est que tout le monde tire dans le bon sens et qu'il n'y en ait pas qui tirent en arrière, voyez-vous. Mais il demeure que l'originalité de ce pays a créé quelques conditions. Alors maintenant, dans la ville, mais si je regarde une ville comme Aubervilliers, c'est vrai que ça n'est plus possible de traiter de culture si l'on n'envisage pas les masses médias. Parce que, par exemple, il y a 21 959 postes de radio, et je n'ai pas pu avoir le chiffre depuis, il y avait 10 890 postes de télévision en 63 avec une progression de 12% par an depuis. C'est dire que, à côté du théâtre, à côté du civisme culturel un peu multiplié actuellement, eh bien, il y a vraiment l'apparition de ce saute-mouton culturel qui s'adresse aux gens, quoi que la ville dise et quoi que le théâtre fasse, apparemment. Alors, comment la circulation, elle s'opère? Alors, on a eu la chance qu'un réalisateur de télévision, Roger Kahn, soit venu dans un HLM faire une enquête. Et voilà les trois conclusions de son enquête. C'est dans le cadre de la rubrique « Dîme, dame, dôme ». Vous connaissez cette émission. Alors, il a été voir dans cet HLM toutes les personnes ayant la télévision. Et voilà ce qu'il a constaté. Il n'y a pas massification, mais maintien au contraire d'une grande diversité d'attitudes. Deuxièmement, il demeure que, sauf chez les téléspectateurs ayant une responsabilité à quelque niveau que ce soit, la télévision apparaît souvent comme un robinet à image. Mais ce robinet à image, c'est comme un robinet, on l'ouvre, mais sans nécessairement boire toute l'eau qui en sort, sans nécessairement être marqué d'une manière indélébile sur ce plan-là. Le menu d'image, je reprends son expression, est trop lourd à ce moment-là. Et la troisième chose, il disait que même chez les téléspectateurs qu'on pourrait appeler, disons, rigoureux, ça c'est pas lui qui le dit, ça c'est moi, c'était au moment où passait Ruy Blas. Eh bien, il dit que certains ont tourné le bouton avant la fin et ont avancé des raisons, fatigue, c'est trop difficile. Alors, voilà un petit peu le genre de circulation qui peut apparaître. On a essayé de voir ce qui se vendait comme livre de poche avec les libraires. Alors, ils nous ont dit que, en gros, la clientèle ouvrière n'achetait pas de livres de poche. Et que, souvent même, ceux qui commençaient à en acheter quand les livres de poche sont nés, et où le livre de poche signifiait un peu un véhicule populaire de certains titres, d'une famille de titres, eh bien, aujourd'hui, il y a une telle accumulation de titres qu'il y a une perte de référence. Et que le livre de poche, eh bien, quand l'ouvrier rentre dans la boutique, il voit une telle masse de titres qu'il y renonce. Maintenant, la circulation organisée. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, on est parti du fait, dans la ville, en tant que ville, et en discutant avec des organisations, qu'il fallait vraiment détruire l'idée que les masses médias, c'est la pire des choses, et que, enfin, on se retire, quoi. Non, on ne doit pas se retirer. On doit au contraire intervenir, si on est conscient que le problème est que font les gens des masses médias. Et alors, on a essayé de multiplier des initiatives, qui n'ont rien de bien original, mais enfin, celles des téléclubs. Alors, on a un avantage, c'est qu'on est tout près de Paris et qu'on peut donc récupérer les hommes qui les font, les émissions, et souvent avec un nombre impressionnant de comédiens. Je sais quand, par exemple, La Terreur et la Vertu est venue, il y avait tout le comité de salut public, si on peut dire. Et il est bien évident que c'est un élément de mobilisation. C'est un élément de mobilisation. Mais il y avait 500 à 600 personnes. Et on s'est aperçu que les gens étaient très concernés et que la composition sociale des gens présents était inverse de celle des ciné-clubs, par exemple, et que la discussion était tout à fait différente. Dans un ciné-club, souvent, on va vers une discussion esthétisante. Je ne l'emploie pas au sens péjoratif. Dans un télé-club, on va vers une discussion de contenu. Je crois qu'il y a une mutilation dans les deux organismes. Ils auraient intérêt à se rencontrer. Mais pourquoi il y a une discussion de contenu? Parce que, d'abord, pour le grand public, ben, une œuvre d'art, c'est d'abord un contenu pour lui. Mais ça, ça ne suffit pas de faire cette activité-là. La deuxième, c'est d'essayer de contribuer à la prise en considération des masses médias. Alors, nous, il nous a semblé qu'il fallait toucher essentiellement les cadres qui s'occupent de l'enfance, c'est-à-dire les enseignants et les moniteurs des œuvres de vacances. Alors, il existe une amicale des moniteurs qui a fait une journée d'études sur les masses médias. Ils étaient 102. Et les instituteurs, cette année, en collaboration avec la ville, le SNI, la ville et le théâtre, n'est-ce pas, ont organisé une journée d'études sur la télévision, la culture et l'école. Max-Paul Fouché est venu, ils étaient 127. Et la décision a été prise de demander à la direction de l'enseignement l'année prochaine le détachement d'un instituteur, étant donné qu'il y a 13 000 enfants, ça représente quelque chose, qui serait une sorte de documentaliste de la télévision et incitateur aux formes d'utilisation de cette télévision dans les écoles. Pas seulement au sens scolaire du terme, mais au sens culturel. Il n'est plus possible qu'un enseignant arrive le matin dans son école avec un public un peu homogénéisé, je ne dis pas totalement, parce que je pense toujours aux freins, mais un peu homogénéisé, et en tout cas, ayant vu hier soir quelque chose, et lui disant, ça, ce n'est pas digne, et moi, je ne m'en occupe pas. On peut excessivement faire des choses, quoi, même si on porte un jugement de valeur négatif sur la politique d'ensemble de la télévision. On n'est pas des partisans du tout ou rien. Peut-être fera encore aller plus loin. Et par exemple, hier, Rocard en a parlé, la presse. Eh bien, faire en sorte qu'elle se préoccupe d'une façon différente des masses médias. Prenons un cas, par exemple. La critique de télévision, en général, dans la presse, qu'est-ce qu'elle est? Elle est la critique d'un gars qui, finalement, est d'une polyvalence extraordinaire, n'est-ce pas? Ce soir, il regarde un concert. Demain, il regarde une pièce de théâtre. Qu'est-ce qu'il se limite à faire? Un compte-rendu sans valeur, puisqu'il n'est pas partie prenante. Il faudrait arriver à ce que, dans la presse, il y ait une sorte de mariage intime de l'intervention des masses médias dans les différentes rubriques, parce que c'est le spécialiste de telle rubrique qui peut aborder vraiment. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de courriérisme en liaison avec les masses médias qui est sous-développé en ce moment. Et dans la presse locale, il faudrait le faire aussi. Voilà quelques aspects de relation entre les masses médias, la politique d'une ville et les associations, et puis d'un théâtre de création. Mais bien entendu, et pour en revenir au début, il est bien évident que ça, c'est une action parcellaire à l'intérieur de la ville, mais qu'on ne peut pas se limiter à contester la télévision sur ce seul plan-là. Il faut la contester dans le cadre actuel, dans le cadre de son utilisation globale. Et alors apparaît l'organisation de téléspectateurs qui prend position et qu'il faut contribuer à créer afin que les gens puissent être mieux à même d'avoir des antidotes à l'égard de la télévision. Mais pour terminer la dernière phrase, quand on aura résolu un problème, disons, global de démocratisation des masses médias, bien le jour où on aura résolu ça, surtout il ne faut pas considérer qu'on aura résolu le problème de la culture sous prétexte qu'elle touche le plus grand nombre, il demeurera ce coin absolument indispensable de la création. Ce coin-là peut utiliser les masses médias, mais il a besoin de cellules qui lui sont propres et à qui il est urgent de donner la liberté et le développement. Georges Jean. D'abord, je crois qu'il faut, qu'on le veuille ou non, privilégier la télévision, qui a un impact, me semble-t-il, beaucoup plus important que tous les moyens de communication de masse. Dans une certaine mesure, je me demande d'ailleurs si le cinéma peut être considéré, dans sa nature même, comme un moyen de communication de masse. Mais c'est une question qu'on ne peut pas discuter ici. La deuxième remarque concernant la télévision, je crois qu'elle modifie le goût, elle peut modifier le goût, mais pas seulement par l'intermédiaire des émissions dites culturelles. Je m'explique d'une façon plus précise. Je me suis beaucoup préoccupé des émissions poétiques de la télévision. Et je me suis aperçu, d'abord, qu'il n'y avait, pour ainsi dire, pas de bonnes émissions poétiques proprement parlées à la télévision, mais que d'autres émissions permettaient d'aborder le phénomène poétique. En particulier, l'émission du Club des Poètes, et je le dis publiquement, me paraît la plus scandaleuse des émissions qu'on puisse faire en ce qui concerne la poésie, alors que l'émission des conteurs, quand on voit Chabrol par exemple, nous entraîne dans un univers poétique à partir duquel on peut faire découvrir les dimensions d'une certaine forme de poésie à des gens peu initiés. Je l'ai fait souvent. D'autre part, les hommes de théâtre devraient se méfier d'un phénomène que je suis amené à constater dans ma région. Bien sûr, une bonne partie des émissions de télévision, sur le plan des variétés, sont de mauvaise qualité quant au contenu. Mais elles sont très souvent d'assez bonne qualité sur un plan très extérieur de présentation, d'éclairage. Or, le public refuse un spectacle théâtral pas très bien présenté parce qu'il a l'habitude à la télévision d'une certaine qualité, peut-être extérieure, mais d'une certaine qualité. Je crois, d'autre part, que la télévision n'est pas obligatoirement quelque chose qu'on reçoit individuellement. On a beaucoup ri au début en pensant à ces familles qui, analogues à celles de la Baille, s'alignaient derrière une table pour regarder ensemble les émissions de télévision « M'endure pas ». Mais j'ai remarqué, surtout dans les milieux ruraux, que cela pouvait également favoriser une espèce d'esprit critique au niveau familial. Et dans la mesure où précisément les gens ont une certaine conscience politique ou une certaine idéologie, ils critiquent en famille un certain nombre d'émissions de télévision. C'est en particulier vrai au niveau des générations, par exemple. Je pense effectivement par ailleurs que la télévision a un pouvoir de fascination et lorsqu'on interroge les gens dans la rue, j'ai fait un certain nombre d'émissions de télévision, régionales et autres, on a l'impression d'être tout d'un coup sacralisé. Il a été à la télévision, ils l'ont dit à la télé, de la même façon que dans la presse locale, quand ils en ont parlé dans le journal, ça prend une toute autre dimension. Et alors, je suis d'autant plus furieux après certaines télévisions régionales que nous ne pouvons pas, nous, associations culturelles, utiliser comme nous le voudrions. On a essayé, dans ma région, de faire plusieurs réunions au début de la saison entre les différentes associations culturelles de la ville, de faire une série de tables rondes pour informer les téléspectateurs régionaux des activités culturelles de la région, on n'a jamais pu l'obtenir. On n'a jamais pu l'obtenir. J'avais invité des écrivains, j'ai fait plusieurs séries de conférences avec Rob Grillet, avec Butor, avec des gens comme ça. Eh bien, j'insistais auprès de la télévision régionale pour que ces gens-là puisse passer, je n'ai jamais pu obtenir le passage à l'écran de ces choses-là. Je dois dire dans une certaine mesure, avec beaucoup de peine, parce que les gens qui sont responsables, parfois, je ne dis pas toujours, des stations régionales de télévision sont, dans un certain domaine, incultes. On a beaucoup dit que la télévision, alors c'est le rapport entre la télévision et la lecture, que la télévision empêchait la lecture parce que les gens n'avaient plus le temps. Ça n'est pas très exact. Il y a un rapport à étudier entre les émissions littéraires et la vente des livres dans les librairies. Mais je suis profondément d'accord avec Aralit, ça n'atteint qu'un certain public. Deuxième série de remarques, on n'a pas parlé assez, me semble-t-il, à propos de ces moyens de communication de masse, de la radio. Or, il y a un phénomène qui se produit, c'est le phénomène transistor. La radio qui avait un petit peu cédé du terrain devant la télévision, on reprend grâce à l'invention des transistors. Et d'autre part, j'ai remarqué en définitive que la plus grande maison de la culture de France, c'est peut-être la radio française, et j'ai été extrêmement frappé de la qualité de certaines émissions, par exemple d'une chaîne qu'on voulait, paraît-il, supprimer en partie, qui est France Culture. Et d'autre part, j'ai été appelé à participer à un certain nombre d'émissions, débats publics qui ont lieu à la Maison de la Radio. La Maison de la Radio devient qu'on le veuille ou non, une maison de la culture. Mais son chemin n'est pas assez connu, et c'est une catégorie très particulière de public qui la fréquente. Mais il y a là des auditoriums, il y a là des studios, il y a là des lieux de rencontre possibles, on y entre d'ailleurs gratuitement, qui sont passionnants, mais ça ne me paraît pas assez public. Et je voudrais élargir cette réflexion en réclamant la transformation des maisons de la radio régionale en véritable centre culturel où ce type, ou un certain nombre de types de débats pourraient avoir lieu d'une façon plus constante. Et en particulier, où on pourrait introduire tous les centres de création comme partie entièrement prenante de ces organismes. C'était Rencontre d'Avignon 1967, une suite d'émissions composée par Roger Pilaudin avec la collaboration de Jean Couturier. Et avec aujourd'hui Michel de Beauvais, directeur d'études de l'École pratique des hautes études, Jacques Rallit, adjoint au maire d'Aubervilliers, et Georges Jean, instructeur national de Peuple et Culture. Extrait de Rencontre d'Avignon 1967, une émission de Roger Pilaudin, première diffusion sur France Culture le 26 septembre 1967. Et à propos, il n'est jamais trop tard pour rassurer les auditeurs de 1967. Non, il n'était pas question de supprimer cette chaîne magnifique, la plus grande maison de la culture, disait l'un des participants au débat, qu'était et que demeure France Culture. La preuve, demain, à la même heure, l'actualité internationale de l'année 1967. Les chances pour la Grande-Bretagne d'entrer ou non dans le marché commun, la guerre israélo-arabe des six jours, André Malraux parlant de Mao Tse-Tung, la mort du Che et le premier congrès des écrivains à Cuba. De personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. C'était 1967, une émission de Philippe Garbi, prise de son Valérie Lavalard, document INA Aude Vassan, réalisation Clotilde Pivin. Vous pouvez réécouter en ligne ou télécharger cette série sur le site franceculture.fr à la page de l'émission. We could have fun just